Je prends une feuille blanche, mes couleurs préférées. Je me remonte les manches, j'attends les yeux fermés. J'effleure la toile, mes sourcils se froncent. Je reçois le signal, la divine réponse. Je crépite, ma main va très vite. Je deviens le filtre créateur de cette matière supérieure. Je ressens tout ce qui m'entoure, le vide, le plein, l'amour. Je deviens perméable à des sentiments improbables. J'invente une autre vision du réel, je crée de nouvelles références. D'un coup de pinceau, je balaye des siècles d'indigence. Je suis un génie, le mot est dit, c'est évident, je suis tellement grand. Le soleil sur fond bleu, la maison sur fond vert, quelques nuages mais pas trop, un ou deux oiseaux. La niche du chien, papa, maman, main dans la main, et moi devant la maison avec mon ballon.